de l'impuissance chez l'être humain est certes le plus intéressant des aspects de sa conscience. Essayer de comprendre chez soi l'impuissance, sa source, sa raison d'être, sa fonction, sa nature, est un des grands défis que l'homme peut se poser face à lui-même. Nous avons tendance, les hommes, à penser que la vie qui coule en soi, les forces qui font vibrer notre être, sont ou peuvent être dans toutes leurs conditions, sujettes à notre volonté. Et ceci n'est pas faux en lui-même. Mais ce que nous ne réalisons pas, c'est que l'impuissance qui existe chez soi, en soi, est une condition de l'évolution de l'âme par rapport à notre esprit. Plus il y a chez l'être humain d'âme, de mémoire, moins il y a d'esprit. Donc, plus il y a de possibilités d'impuissance. Moins il y a d'âme, moins il y a de mémoire. Plus il y a d'esprit, plus il y a de puissance. Mais où se situe l'ego par rapport à la puissance de l'homme? Est-ce que l'ego vit une relation étroite avec l'âme? Ou est-ce que l'ego vit une relation étroite avec l'esprit? Dans la mesure où l'ego est prisonnier de l'âme, il est impuissant à manifester son esprit, donc il vit un certain niveau d'impuissance. Dans la mesure où l'ego aussi est assujetti à l'esprit, il souffre d'une impuissance illusoire. Donc, chez l'homme, il y a deux sortes d'impuissance. Il y a l'impuissance reliée au fait ou due au fait que l'ego est prisonnier de l'âme, et cette impuissance, l'homme peut un jour la dépasser. Et il y a aussi l'impuissance que l'ego vit par rapport à la puissance de son esprit. Et cette impuissance est illusoire dans ce sens que, à partir du moment où l'ego est très relié à son esprit, son impuissance est purement temporaire et elle fait partie du mouvement de l'esprit à travers ses corps, dans le temps de l'esprit, dans la mesure où l'ego ne souffre pas du temps dont se sert l'esprit pour raffiner encore sa relation avec l'ego. Autrement dit, pour ajuster et augmenter le taux vibratoire du mental. Donc, l'impuissance réelle de l'homme est face à son esprit, alors que l'impuissance illusoire de l'homme est en relation avec l'âme. Et l'homme doit connaître, comprendre, découvrir s'il vit une impuissance subjective ou s'il vit une impuissance objective. Dans le cas de l'impuissance subjective, l'homme a la possibilité d'augmenter son rendement dans la vie en s'assurant très bien de ne pas empêcher ce rendement à cause de paramètres psychologiques, d'ordre émotif ou mental, faisant partie de sa personnalité. Dans le cas de la puissance reliée à l'esprit, l'homme qui a suffisamment avancé dans la conscientisation de son être sait, réalise et n'a aucun doute que cette puissance, elle est en lui et qu'elle est à la mesure de son être, dans le temps de son esprit. L'ego doit comprendre la différence entre les deux êtres puissants. Il doit comprendre, savoir que l'impuissance reliée à l'âme fait partie d'un travail qu'il doit faire sur lui-même, alors que l'impuissance reliée à l'esprit fait partie d'un temps utilisé par l'esprit pour sa manifestation à travers l'ego. Donc, les deux impuissances sont d'ordre différent. Une représentant les failles de la personnalité et l'autre représentant le temps que l'esprit doit utiliser pour se manifester. Donc, l'homme conscient qui souffrirait de l'impuissance de l'esprit ne souffrirait pas cette impuissance d'une façon psychologique. Alors que l'homme qui souffrirait l'impuissance de l'âme souffrirait cette impuissance de façon psychologique. Si nous allons plus loin, l'impuissance qui ressort du fait que l'homme n'a pas encore dompté ou maté sa personnalité lui créerait une souffrance. Alors que l'impuissance reliée au mouvement de l'esprit à travers l'ego ne créerait pas chez l'homme de souffrance, parce que l'homme rendu à ce niveau d'évolution saurait très bien que l'esprit se manifeste en puissance à travers lui dans son temps et que le temps de l'esprit convient parfaitement au temps de l'ego. La puissance créative de l'ego issu de ses talents, issu de son rapport avec la mémoire de l'âme, est une puissance créative très différente de celle qui est issue de son esprit. Lorsque l'âme se manifeste à travers l'homme pour lui donner une certaine puissance créative, cette puissance créative fait partie de l'expérience de l'homme. Elle fait partie de la relation étroite entre sa mémoire et son ego. Alors que dans le cas de la relation entre l'esprit et l'homme, cette puissance créative est haute. Elle est d'un autre niveau. Elle n'appartient pas à la mémoire de l'âme. Donc, elle ne peut pas appartenir émotivement ou mentalement à l'ego. Elle traverse l'être et elle lui permet, dans le monde, de se manifester. Mais pour que cette puissance se manifeste, l'ego doit avoir atteint un niveau de maturité mentale, c'est-à-dire un état d'esprit capable de supporter le temps avec lequel travaille l'esprit pour se manifester. Alors que dans le cas de l'âme, l'homme n'a pas à supporter le temps. Il peut même violer le temps. Et c'est justement parce qu'il viole le temps que souvent sa puissance créative lui sert plus d'expérience que de pouvoir. Au cours de l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre, l'homme apprendra à ne plus violer le temps utilisé par l'esprit pour le mouvement de l'énergie à travers ses principes. L'homme comprendra parfaitement la loi du temps et ne pourra plus vivre la manifestation créative de sa puissance par rapport à des degrés égoïques de sa conscience. Donc, il sera en puissance, mais il sera aussi libre de sa puissance, c'est-à-dire qu'il ne sera plus impliqué dans la qualité psychologique, créative ou personnelle de sa puissance. Alors que dans le cas de l'évolution, ou dans le cas de l'homme qui n'est pas encore arrivé à un plein entendement de la relation entre la puissance et l'esprit, ce dernier vit encore ou est obligé de reconnaître que sa puissance est une qualité importante de sa personnalité, donc un besoin égoïque, faisant partie d'une manifestation chez lui de sa personnalité. La puissance créative, la relation entre le double et l'ego, est une puissance qui ne peut pas être assujettie à la personnalité de l'homme. Et c'est justement à cause de cette condition que l'homme vit une impuissance pendant très longtemps avant de pouvoir réaliser intégralement son lien créatif avec l'esprit. Et c'est dans cet ordre de choses que l'homme doit reconnaître et comprendre la différence entre l'impuissance reliée à l'âme et l'impuissance reliée à l'esprit. L'homme a des moyens, à cause de sa mémoire, à cause de ses talents, à cause de sa culture, de se manifester dans une certaine puissance. L'éducation, l'expérience, ainsi de suite, lui permettent de sentir quelque part au cours de son avènement une certaine faculté créative. Mais cette faculté créative n'est pas en elle-même le point final du développement de sa puissance créative. Mais au moins, pendant ces années, il peut travailler, il peut se donner, sur le plan matériel, suffisamment de puissance créative pour avoir l'impression qu'il n'est pas à la merci d'une défaillance perpétuelle. Mais si l'homme passe de l'inconscience à la conscience, de l'évolution à l'évolution, il est très probable qu'à un certain moment, même s'il fut puissamment créatif à un certain niveau pendant l'évolution, qu'il soit obligé de vivre un grand vide pendant un certain nombre d'années, vide qui lui permettra de connaître et de comprendre tous les aspects de sa puissance créative reliée à l'âme, pour l'amener éventuellement à vivre tous les aspects de sa conscience créative reliée à l'esprit. Donc l'homme nouveau aura une très grande mesure de la différence entre l'impuissance de la personnalité ou due à la personnalité et l'impuissance reliée au fait que l'esprit n'est pas encore prêt à œuvrer ou à travailler à travers lui comme canal. Lorsque la source de la puissance chez l'homme n'est plus reliée à l'ego dans la personnalité, cette puissance ne fait plus partie de l'homme. Elle fait partie de sa conscience. Elle ne fait plus partie de l'homme qui puise dans la réserve de ses mémoires des aspects quelconque, pouvant se manifester en une forme ou autre de créativité. L'homme devient essentiellement canal, il devient essentiellement uni en esprit à sa source, et la puissance en elle-même n'est plus de l'ordre que fut la puissance créative qu'il pouvait exercer pendant l'évolution. Cette puissance fait partie d'un autre temps. Elle a une autre fonction. Elle a un autre but. Et pour que l'homme la vive, la connaisse, il doit être intérieurement parfaitement libre. Donc, tant que l'homme ne sera pas intérieurement libre, c'est-à-dire qu'il n'aura pas éliminé dans sa conscience humaine les aspects involutifs de son moi. Il ne pourra pas connaître la puissance intégrale de son esprit. Ce que nous appelons l'impuissance dans la vie, c'est un lien avec le passé. C'est un lien avec une dimension de notre personnalité qui n'a pas été réduite à ses paramètres les plus simples, à ses aspects les moins polarisés. Pour que l'homme puisse connaître la puissance de son esprit, son être, son ego, doit être totalement dépolarisé sur le plan mental et sur le plan émotionnel, donc l'homme ne peut pas sentir d'une façon ou d'une autre qu'il est assujetti à lui-même. Dans la mesure où l'homme est assujetti à lui-même ou qu'une facette de son être, de sa personnalité, le bloque, il ne peut pas connaître la puissance créative de son esprit parce que déjà un certain travail doit être fait à ce niveau pour qu'il y ait renversement de cette polarité, afin que le lien avec l'esprit s'établisse et que l'homme finalement puisse sentir en lui-même cette grande liberté créative qui fait partie du mouvement de l'esprit à travers son véhicule. Mais tant que l'homme n'a pas résolu le problème fondamental de sa conscience personnalisée, tant qu'il n'a pas éliminé de sa conscience les aspects de sa personnalité qui font partie du lien de l'ego et de l'âme, il ne peut pas connaître la puissance. Il ne peut pas être en puissance. Donc, à un niveau ou à un autre, il doit connaître une certaine impuissance. Et c'est cette impuissance qui créera chez l'homme en évolution une certaine souffrance jusqu'à ce qu'il ait réglé avec lui-même les problèmes de sa personnalité. Car la personnalité est en elle-même une condition psychique de l'être qui fait de l'ego un aspect abusé de la vie. Et pour que l'homme ou l'ego soit en conscience créative ou qu'il exerce son pouvoir créatif à cause du lien avec l'esprit, il ne peut plus être abusé. Et c'est lorsqu'il n'est plus abusé par les traits internes de sa personnalité qu'il peut alors utiliser créativement l'énergie de l'esprit et devenir un être en puissance, c'est-à-dire un être capable de transformer, révolutionner à son niveau la fonction créative de l'intelligence pour donner à l'homme ou à l'humanité une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de comprendre la vie et une nouvelle façon de détruire le passé qui ne sert plus dans un autre temps. L'être qui souffre d'impuissance chronique est un être qui n'a pas mis le doigt sur les mécanismes profonds de sa personnalité. Et lorsque nous disons qu'il n'a pas mis le doigt, nous voulons dire qu'il n'a pas compris l'essentiel de ses illusions. Un être qui comprend l'essentiel de ses illusions est forcément amené à reconnaître l'essentiel de sa fusion. Et lorsque l'homme reconnaît l'essentiel de sa fusion, il est en voie de puissance. Mais tant qu'il est obligé de vivre sous des voiles qui font partie de l'essentiel de ses illusions, il ne peut pas connaître la puissance de son esprit, donc il est obligé de vivre l'impuissance et cette souffrance peut devenir très grande jusqu'au jour où, à cause de cette souffrance, ou par rapport à cette souffrance, il en arrivera à reconnaître en lui-même les subtiles illusions qui bloquent sa puissance et qui l'empêchent d'être parfaitement bien dans sa peau. Chaque être humain vit un mensonge personnel. Chaque être humain se leurre à sa propre façon. Et ce qui est mensonge pour l'un n'est pas mensonge pour l'autre. Mais chaque être humain en voie d'évolution doit en arriver un jour à pouvoir identifier ce mensonge, c'est-à-dire identifier cet aspect de lui-même qui le rend impuissant. La créativité ou la conscience créative est simplement un phénomène d'énergie, donc ce n'est pas un phénomène de talent. Puisque c'est un phénomène d'énergie, tous les hommes ont accès, à un niveau ou à un autre, à une forme créative de leur puissance. Mais tous les hommes ne peuvent pas, dans un temps ou dans un autre, en arriver à témoigner de cette puissance parce que tous n'ont pas le même niveau d'évolution spirituelle. Et tous n'ont pas non plus le même niveau de conscience mentale leur permettant de mettre le doigt sur cet aspect d'eux-mêmes qui les bloque et qui les empêche, ultimement parlant, de sortir de la survie pour entrer dans la vie. L'homme inconscient connaît ou peut connaître l'impuissance psychologique de l'ego. Mais il ne connaît pas l'impuissance de son esprit. Et même s'il ne souffre pas de l'impuissance psychologique de l'ego, qu'il a un certain succès dans la vie, il ne connaît pas tout de même l'impuissance de son esprit. Et l'homme en évolution passera de la puissance ou de l'impuissance psychologique de l'ego vers la prise de conscience de l'impuissance de son esprit qui l'amènera plus tard à la puissance de son esprit. Mais entre ces deux temps, il devra comprendre, réaliser que l'impuissance face à son esprit n'est pas reliée à l'impuissance de l'ego. L'impuissance de l'homme face à son esprit n'a rien à voir avec l'impuissance de l'ego. L'impuissance de l'ego est un produit ou le produit de certains blocages d'énergie reliés à la personnalité, alors que l'impuissance de l'esprit est relié au fait que l'homme a besoin d'un corps mental très vibrant pour pouvoir absorber cette énergie de façon créative et de façon illimitée. Donc, si l'homme en évolution vit de l'impuissance de l'esprit, il doit s'organiser pour ne pas vivre l'impuissance face ou par rapport à sa personnalité. Donc, il doit se donner, en attendant, la capacité de travailler en exerçant le plus possible sa volonté, en exerçant le plus possible sa capacité de ne pas tomber dans le piège de la puissance de l'esprit où, naturellement, il vivrait des tensions à cause d'une intelligence non manifestée ou non manifestable dans le temps où il se situe. Pour que l'homme en arrive à pouvoir vivre de la puissance de son esprit, il faut qu'un certain travail ait été accompli dans le mental. Donc l'homme ne peut pas attendre après la puissance de l'esprit Il doit, en attendant, vivre. Il doit, en attendant, travailler. Il doit, en attendant, se reposer avec les outils qu'il possède, avec les outils que la civilisation, la culture, l'éducation, l'expérience lui ont donnés. S'il veut passer de la puissance de l'ego relié à la personnalité à la puissance de l'ego relié à l'esprit, et qu'il attend que l'esprit se déverse en lui, il souffrira énormément parce que il aura l'impression, pendant de très longues années, de ne pas être à la mesure de sa conscience. Alors que la mesure de sa conscience fait partie du temps de l'esprit et non du temps de l'ego. Donc, l'homme peut vivre l'impuissance par rapport à l'ego relié à la personnalité, où il peut vivre l'impuissance par rapport à l'esprit. Ce n'est pas l'impuissance par rapport à l'esprit qui est importante dans la vie de l'homme, c'est l'impuissance par rapport à la personnalité. Et c'est cette première impuissance que l'homme doit éliminer de sa vie. C'est cette première impuissance que l'homme doit en arriver à corriger dans sa vie. Mais s'il s'occupe de la puissance de l'esprit à travers sa conscience et qu'il ne s'occupe pas de l'impuissance de l'ego à travers la personnalité, il attendra de longues années et souffrira de grandes souffrances, car l'esprit vient dans l'homme dans son temps. L'ego ne peut pas forcer ou faire avancer le temps de l'esprit à travers la conscience humaine supramentalisée. Donc, l'homme doit être extrêmement objectif, extrêmement réaliste, extrêmement près de la compréhension du fait que pour le moment, il doit travailler, il doit utiliser les outils qu'il possède et non pas attendre pendant de longues années que l'esprit lui fournisse d'autres outils. Autrement dit, l'homme en évolution doit être indépendant de l'esprit et dépendant de ce que sa programmation matérielle, terrestre, lui a donné pour travailler. Si à l'intérieur de sa programmation, il y a des aspects qui sont illusoires, par exemple, s'il y a des illusions qui font de lui un être attendant que l'esprit se manifeste en puissance en lui, il vivra des souffrances qu'il devra un jour arrêter, stopper, sinon la vie n'aura plus pour lui aucun sens. C'est pour cette raison que l'homme, en évolution, doit se fixer des objectifs raisonnables, réalistes, basés sur ce qu'il peut faire, avec les outils qu'il possède, et non pas des objectifs basés sur la puissance créative de l'esprit dont il ne connaît pas la teneur, dont il ne connaît pas la dimension et dont il ne connaît pas non plus la raison d'être à long terme. Donc l'homme doit se replier sur ce qu'il possédait auparavant et refaire marcher la machine de ses talents, la machine de son expérience antérieure, afin de pouvoir se donner, en attendant, une puissance créative équivalente à ce que cette machine peut lui rapporter, sans fixer dans son mental comme objectif ultime la puissance de son esprit issu d'un savoir nouveau. L'homme en évolution doit réaliser que l'esprit est une force et non pas simplement une manifestation de sa personnalité. L'esprit est une force qui engendre par elle-même, en relation avec l'homme. Et non pas simplement un aspect de l'homme à la mesure de l'homme. Il est très important que l'être conscient reconnaisse la différence entre les deux sortes d'impuissance possibles chez l'être humain. Il est important qu'il réalise que son impuissance est reliée à sa personnalité et qu'il comprenne que l'impuissance reliée à l'esprit est simplement une retenue d'énergie qui n'a rien à voir avec la personnalité. Si l'homme en arrive à comprendre ceci, il ne souffrira pas de son impuissance. Il n'attendra pas la puissance de l'esprit. Il utilisera les outils qui font partie de son expérience antérieure pour les rendre, encore une fois, utiles. Mais cette fois, d'une façon moins colorée par sa personnalité, moins colorée par l'ego, infériorisé dans sa conscience. L'homme comprendra que l'utilisation ou la réutilisation de ses talents, de son expérience, fait partie d'un besoin temporaire de vibrer à un certain niveau avant de pouvoir, plus tard, dans un autre temps, vibrer à un niveau qui fait partie de sa fusion. Que l'homme soit fasciné par la puissance créative de l'esprit, c'est normal. Mais que l'homme soit prisonnier de l'illusion de l'ego face à cette puissance, voilà une condition qui doit être transformée chez lui, éliminée chez lui, afin qu'il puisse retomber les deux pieds par terre, afin qu'il puisse revenir au réel de tous les jours, et continuer à travailler, mais cette fois d'une façon plus progressive, d'une façon plus légère, d'une façon plus libre dans l'ego. Il est très important pour l'homme qui se conscientise de mettre le doigt sur son impuissance, de réaliser que s'il est impuissant, c'est parce qu'il y a en lui des mécanismes illusoires, des façons de penser qui le coupent, qui le sévèrent d'une activité créative temporaire, mais utile sur le plan matériel et aussi sur le plan psychologique. Lorsque l'homme aura bien compris ceci, il entrera dans le temps de l'esprit. Et à ce moment-là, sa puissance créative prendra un autre envolé qui fera partie de son temps, qui fera partie de sa fusion, qui fera partie de sa conscience créative, nouvelle, alimentée par l'esprit. Mais d'ici à ce temps-là, l'homme doit travailler. L'homme doit se donner d'une façon intelligente ce dont il a de besoin sur le plan matériel pour vivre. Il pourra être suffisamment balancé dans ses énergies afin de ne plus souffrir de la précondition à sa conscience, celle d'être dans la puissance de son esprit. Il est évident qu'il sera donné à l'homme nouveau de voir ou d'entrevoir ou de même projeter une puissance éventuelle de l'esprit. Mais cette projection, cette vision de lui-même à long terme, ne doit pas arrêter son mouvement naturel, ne doit pas arrêter l'actualisation de ses talents, de son expérience. Lorsque l'homme se conscientise et prend conscience de ses possibilités créatives ou de la puissance de son esprit, souvent à travers la puissance de l'esprit d'autres personnes, il perd contact avec lui-même. Il perd contact avec les facettes de sa personnalité qui sont encore utiles. Il perd contact avec ses facettes qui pourraient lui donner, pendant un certain temps, suffisamment d'espace libre pour travailler et vivre d'une façon qui convient à ses besoins actuels. S'il projette dans l'avenir, s'il projette par rapport à l'esprit, il perdra la vision nette de son être actuel. Et il se forgera un fossé entre lui aujourd'hui et lui demain. Et il souffrira intensément dans ce fossé, parce que l'esprit ne sera pas encore prêt en lui pour se manifester en puissance. Donc, l'homme deviendra végétatif. L'homme perdra le goût du travail. Il perdra le goût de travailler dans la société, dans l'industrie. Et cette perte de goût sera le début de l'affaissement moral de sa conscience personnelle. Si l'esprit dans l'homme est éveillé, il est en puissance. Si l'âme dans l'homme est encore très active, elle est aussi en puissance. Mais elle doit être en puissance positive et non pas en puissance négative. De sorte que l'ego doit réellement comprendre en lui les forces, les tendances, les façons de penser qui font de lui un être assujetti à la puissance de l'âme, c'est-à-dire à la puissance de la personnalité. Il doit faire vibrer en lui les aspects positifs de la personnalité et éliminer les aspects négatifs de cette même personnalité afin de pouvoir bénéficier de son expérience et de ses talents. Sinon, il sera forcé d'attendre pour l'esprit. Il sera forcé d'attendre pour la fusion et la descente de l'énergie. Il sera forcé de vivre dans le miroitement de cette puissance créative qui est celle de l'esprit en union avec l'ego. Donc, il sera obligé d'attendre des années avant de pouvoir bénéficier de sa propre lumière. Il sera l'esclave du temps. Il s'appauvrira dans ce temps et il sera malheureux. Donc, le plus grand conseil que nous puissions donner à l'homme en évolution, c'est de ne pas se fixer trop dans la conscience de la puissance de l'esprit, mais de se fixer profondément en attendant dans la réutilisation consciente de ses talents et de son expérience afin de pouvoir établir un pont entre le présent et l'avenir, un pont qui permettra de se suffire à ses besoins, un pont qui lui permettra de vivre en attendant d'une façon plus intelligente qu'il n'aurait pu le faire auparavant. Mais si l'homme se dilue, se diffuse et se détache trop de sa personnalité par des mécanismes égoïques illusoires, il découvrira qu'il n'est plus dans sa personnalité, qu'il n'est pas encore dans sa personne, donc il vivra un enfer psychologique. Il vivra un enfer vibratoire, psychique. Il sera totalement malheureux. Et son intérêt pour l'évolution de sa propre conscience ne lui suffira plus. Il en aura marre de la conscience. Et il n'aura pas compris qu'il doit vivre d'abord de sa propre puissance psychologique avant de pouvoir vivre de la puissance de son esprit.